tout pointe vers Christ. Quand on a fait notre étude pendant 14 semaines sur l'Esprit-Saint, c'était justement pour fortifier notre connaissance de Dieu, bien sûr, de la personne de l'Esprit-Saint, mais aussi et avant tout de notre relation, de notre compréhension, de notre communication avec Jésus-Christ. Alors, quelle joie d'entamer de nouvelles séries, de terminer une autre série qu'on vient de faire. Il y a toujours un enthousiasme d'entamer un voyage comme celui-ci. Évidemment, avant de partir en voyage, il faut savoir qu'est-ce qu'on amène, il faut savoir où on s'en va, il faut savoir c'est quoi l'objectif de ce voyage. Et j'ai cru bon de nous amener dans une compréhension générale de l'endroit où on va se retrouver en particulier, qui est le livre de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament. Mais avant, certains d'entre nous, et même nous tous finalement, on a besoin de nous rafraîchir les pensées, notre compréhension sur l'Ancien Testament en général. Alors je m'offre et je vous offre de faire une introduction à l'Ancien Testament aujourd'hui, qui va nous aider à mieux comprendre d'où émergent l'Ecclésiaste, les pensées qu'on retrouve dans le livre écrit par Salomon, et d'avoir des bonnes assises, des bonnes fondations. Et de toute façon, vous connaissez notre système depuis déjà un an et demi, un an trois quarts. On aime décortiquer la parole, on aime comprendre des fondations de la parole. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui ensemble. La Bible de Jésus, l'Ancien Testament. La Bible de Jésus, l'Ancien Testament, est le titre de notre étude aujourd'hui. Venez avec moi dans le livre de Luc. Voyons donc, on va étudier l'Ancien Testament. Oui, mais vous allez voir que tout ça a un sens. Luc, chapitre 24, verset 44. Luc 24, 44. Page 102 de la petite Bible brune. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Évidemment, Christ parle, et parle du fait que l'Ancien Testament parle de lui, parle de sa personne, parle de son identité. C'est merveilleux, et c'est d'une clarté incroyable. La Bible de Jésus, l'Ancien Testament. La Bible est comme aucun autre livre. La Bible est particulière parce que, bon, elle se dit la parole de Dieu, donc lorsqu'on l'étudie, on apprend à connaître le cœur, l'âme, l'esprit de Dieu, la personne de Dieu. Mais aussi, la Bible est un livre de direction, un livre d'information sur l'utilisation de nos vies. Hein, on sait qu'on achète quoi que ce soit, de plus en plus compliqué d'ailleurs, la technologie, tu achètes un enregistreur, DVD, machin, truc. C'est tellement complexe, tu utilises 10% des ressources que tu peux trouver sur cette machine-là. Bon, c'est bien d'ouvrir, même j'ai un téléphone cellulaire, puis j'utilise juste deux, trois petits trucs, téléphone, etc. Mais il y a tellement d'autres trucs disponibles, là, ça se trouve seulement dans le guide de l'accompagnateur, hein, le guide de ce produit-là. Évidemment, la vie, c'est ça. La vie, c'est très complexe. Les relations amoureuses, étant peut-être au centre de la complexité. Ensuite, nos relations les uns avec les autres, avec notre famille, nos parents, notre travail. Et avant tout, et peut-être le centre de tout, pourquoi sommes-nous ici? C'est quoi le sens de la vie? Et c'est ça qu'on va voir dans le livre d'Ecclésiaste. On va parler du sens de la vie. Mais la Bible, justement, se dit un guide de l'utilisateur de la vie. Et la Bible a aussi cette autorité-là. Lorsqu'elle parle, elle se dit un livre d'autorité, un livre de vérité. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Pourquoi existons-nous? On va voir que tout ça se trouve là. Petit détail, il y a 39 livres dans l'Ancien Testament. Vous savez, 66 dans la Bible au complet, 27 dans le Nouveau Testament, 39 dans l'Ancien. 929 chapitres dans l'Ancien Testament. 33 214 versets. 593 000 mots et 2 700 000 lettres dans l'Ancien Testament. Donc, c'est quand même c'est intense et on voit que la majorité de notre Bible, elle penche, hein, elle est non balancée, elle penche vers l'Ancien Testament de toute évidence, puis le Nouveau Testament est relativement mince. Alors si ça c'est là, d'ailleurs il y a bien des églises modernes qui n'étudient pas vraiment l'Ancien Testament parce qu'ils se disent justement nous vivons sous la nouvelle alliance. Oui, mais attention, pourquoi avez-vous ce livre-là débalancé de cette façon-ci? C'est de toute évidence que l'Ancien Testament doit être étudié pour appuyer, confirmer, pour établir d'où vient la Nouvelle Alliance, d'où vient la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Ça prend 70 heures, 40 minutes, lire la Bible, au complet, à un rythme normal. 70 heures, on se dit sur vous, on peut se dire, mais pourquoi je ne la lis pas plus souvent? Bon, 70 heures sans manger, sans dormir, c'est quand même intense. Et ça prend 52 heures en particulier à lire seulement l'Ancien Testament. 52 heures à lire l'Ancien Testament. Bon. Vite, la Bible, c'est quoi? C'est le livre. La Bible, c'est le livre. Ça vient, c'est un mot qui descend du grec, du mot biblos, qui se retrouvait à être le côté externe d'un papyrus en Égypte, au 11e siècle. C'est ça que ça voulait dire, le biblos, c'était la couche externe d'un papyrus, c'était sur lequel on écrivait les informations du temps, un papyrus. Ensuite, bon, ce mot-là s'est développé, la forme plurielle du mot Bible, c'est biblia. Et à partir du 2e siècle, les chrétiens ont utilisé pour leurs écrits, les écrits de Paul et d'autres, le mot « biblia ». C'était comme une panoplie des écrits chrétiens, c'était « biblia ». « Biblia » a donné naissance au mot latin qui était aussi « biblia », qui veut dire « un livre », qui est devenu évidemment en français « la Bible ». Hein? On change simplement le mot « a » à la fin pour un « e » et c'est la Bible. Alors que le Testament, évidemment, on vient de dire que la Bible, c'est un livre. Le Testament nous montre, évidemment, que il y a deux Testaments, l'Ancien et le Nouveau. Et le mot pour Testament, c'est en hébreu berith, qui veut dire une alliance, une convention, un arrangement entre deux parties. Mais de toute évidence, c'est ce qu'on veut entre nous et Dieu. Il y a deux arrangements, deux alliances, deux organisations, deux deals, si on peut s'entendre, entre Dieu et l'homme, Dieu et l'humain. Dans l'Ancien Testament, il y en a un. Dans le Nouveau, la Nouvelle Alliance, le Nouveau Deal, il y a une nouvelle façon de négocier avec Dieu, évidemment à travers Christ. Mais ça se prépare. Christ n'est pas sorti du vide. Il ne sort pas de rien. Il n'est pas descendu. Non, il est né d'une femme en Israël, dans une époque particulière, dans un pays particulier, avec des traditions particulières. Et c'est de là qu'émane la foi chrétienne. Et si on ne comprend pas ça, c'est abstrait, c'est sec, c'est religieux. Alors qu'on veut Christ dans son contexte. Pour ça, il faut comprendre, connaître, apprécier, lire l'Ancien Testament. C'est vraiment la porte du Nouveau. Donc, Testament. L'Ancien Testament a été traduit en grec, on va en parler tout à l'heure, et le mot berith est devenu diatheke. Diatheke qui veut aussi dire le mot alliance, convention. Dans l'Ancien Testament, on nous a parlé d'une première convention, d'une première alliance dans Exode 24. Ensuite, on nous annonce la nouvelle convention qui arrive, et évidemment, Jésus lui dit la nouvelle alliance. Il nous dit c'est la nouvelle alliance en mon sang. Lorsqu'il parle de la communion, c'est la nouvelle alliance dans le sang de Christ, dans la présence de Christ. Donc, on a les deux testaments. Ancien deal, nouveau deal. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Saint Augustin nous dit que l'Ancien Testament est révélé par le Nouveau Testament et le Nouveau Testament est voilé dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que quand on étudie l'Ancien Testament, on voit que si tu moindrement, tu arrives avec une pensée, justement, christologique, tu vois que Christ émane un peu partout, que la présence de Jésus est là. La présence de Jésus est là. Au tout début, la Bible était divisée, l'Ancien Testament, la Bible, parce que, entendons-nous, on a dit que la Bible, c'était la Bible L'Ancien Testament, c'était la Bible de Jésus. Il n'y avait pas le Nouveau Testament. Quand Jésus parle de la Bible, quand Paul parle de la Bible, quand le Nouveau Testament parle de la Bible, ça parle toujours de l'Ancien Testament. Donc, c'est ça quand on voit que l'Église moderne met une suremphase sur le Nouveau Testament au détriment de l'Ancien Testament, c'est comme s'il minimisait l'expérience des nouveaux croyants, des apôtres et de Christ. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? L'Ancien Testament est essentiel à notre croissance personnelle. C'est pour ça qu'on va y passer des dizaines de semaines dans l'Ancien Testament. Mais ça ne se fait plus, ça. On n'étudie pas comme ça en profondeur dans l'Ancien Testament. C'est une perte de temps. Ah oui, vraiment? On va voir, on s'en reparlera dans 40 semaines. Vous allez voir qu'au contraire, ça va transformer votre compréhension de la vie, de la mort, le futur, où on s'en va, pourquoi on est ici. Bien plus, et pas nécessairement plus, mais tout autant qu'un livre de Paul ou même que d'un évangile. Parce que ça travaille ensemble, c'est tout là pour représenter le cœur de Dieu. À l'origine, l'Ancien Testament, qui est maintenant découpé en 5 parties, on va voir ça dans un instant, était deux formes, la loi et les prophètes. Jésus dit ça, il y a la loi et les prophètes. On voit plus tard, au fil du développement de l'Ancien Testament et des traductions, qu'on va diviser ça en 5 sections. Mais venez avec moi dans votre introduction de la Bible. Alors, allez au tout début de votre Bible, et c'est pas toujours facile à trouver. Il y a une page où il y a tous les livres de suite. Ce serait au tout début, dans la petite Bible brune, c'est à peu près 4 pages après le début. Et là, tu as les livres les uns après les autres. Alors, on appelle ça la table peut-être. La table, puis c'est tous les livres nommés les uns après les autres. Vous avez cela? Vous avez trouvé cette liste de livres? OK. Alors, à l'origine, c'était deux sections, la loi et les prophètes. Ensuite, c'est devenu 3 sections. La loi ou le Torah, les prophètes, le Nevi'im et les écrits, le Ketuvim. Ketuvim qui était 3 sections. Mais regardez, la loi, c'est resté la même chose, la Pentateuque ici dans votre Bible. La Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, écrit en grande majorité par Moïse. Ensuite, les prophètes, tu vois, on sautait tout de suite aux prophètes, et c'était, en tout cas, eux, ils appelaient ça les prophètes, Josué, Juge, Samuel, ensuite on sautait, tu vois, tu sautes à Roi, ensuite Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, qui là se retrouvent, eux, maintenant, dans les prophètes, à la toute fin des sections. C'est, tu vois, il y avait un mélange, mais tous les livres étaient déjà là. Ensuite, c'était les écrits, Ketuvim, qui étaient les livres poétiques, et c'est là qu'on va étudier, nous, dans les prochaines semaines, les psaumes, Job, Proverbes, Ecclésiaste, et ensuite Megillot, les 5 derniers livres, Ruth, en tout cas. Donc, l'organisation des livres était bien différente. Gardez votre main ici, parce qu'on va revenir à ça. Plus tard, lorsque je vous ai dit que l'Ancien Testament était traduit en grec entre 250 et 15 avant Jésus-Christ, à Alexandrie, il y a des grands savants qui ont étudié le Torah, qui ont étudié les écritures originales en hébreu et qui ont traduit ça en grec. Et c'est de là beaucoup que nos écrits nous sortent, évidemment. Notre Bible vient du Septuagint, qui est la forme grecque de l'Ancien Testament. Alors, on a refait la classification des livres, on a réorganisé la Bible. Pour que ça ait plus de sens, évidemment, les Grecs étaient un peuple très organisé comme ça, et on a divisé ça en 5 parties que nous, on connaît et qui sont dans la Bible ici. La loi, ou le Pentateuque. Ensuite, les livres historiques, qui sont de toute évidence l'histoire, on va en parler davantage. Les livres poétiques, qui sont 5 livres. Enfin, les prophètes, qui sont 17 livres. Les prophètes majeurs ou principales et les petits prophètes mineurs qui sont plus courts en longueur et moins connus dans l'histoire d'Israël. Alors, voilà, tout ça pour 39 livres. C'est important parce que la façon dont ça a changé au fil des années, l'organisation, ça change la compréhension de la façon dont tu étudies la Bible. Bon, on a dit que c'était 39 livres. 39 livres, écrits sur une période d'environ 1000 ans, entre 1500 avant Jésus-Christ et 400 avant Jésus-Christ. Vous vous souvenez, entre 400 avant Jésus-Christ et l'arrivée de Jésus, il y a une période silencieuse, c'est 400 ans. 400 ans. Alors donc, il y a 1000 ans et à peu près 25 à 30 auteurs, c'est pas tout à fait clair, ça dépend comment tu les choisis, 25 à 30 auteurs, écrits sur du papyrus, on a dit, c'est comme des sections d'arbres et des peaux d'animaux. Là, on a l'information, la base de la parole. Là, je vous propose qu'on arrête, qu'on prie et qu'on demande maintenant toute cette compréhension-là technique de la parole. Où est-ce que ça nous amène dans le travail de Christ, dans la réalité de ces livres-là pour nous? Seigneur, nous voulons comprendre ta parole. On peut comprendre qu'il y a 39 livres, que ça a été divisé à l'origine en deux, ensuite en trois, ensuite en cinq. Nous pouvons comprendre que tu nous as parlé, tu t'es révélé au fil des 1500 années, 1000 ans d'écriture de l'Ancien Testament, mais on veut que tout ça ait un sens pour nous. On veut que tout ça nous édifie, nous fortifie, nous prépare à cette étude dans le livre de l'Ecclésiaste. On veut comprendre pourquoi on est ici, comment communiquer la foi aux gens qui eux-mêmes se posent des questions fondamentales. Parle-nous par ta parole. Parle-nous par l'information qui amène si bien ciblée, si bien absorbée, une transformation dans notre démarche, dans notre compréhension de toi. Nous prions pour ce temps ensemble. Aide-nous à mettre notre chapeau de penseur et à adapter et approprier ces vérités-là pour notre vie, pour notre démarche chrétienne. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. À chaque fois qu'on étudie la Bible, que ce soit technique, que ce soit informatif, c'est toujours pour vous aider à avoir des assises qui vont vous aider à mieux connecter dans votre foi, dans votre compréhension de qui est Dieu. Alors, on a parlé du livre de la loi. Le livre de la loi, qui sont les cinq premiers livres, nous donne une fondation du travail de Christ. Que Christ allait venir, que Christ allait travailler, il allait révéler Dieu dans sa personne. Mais ça nous montre à quel point Dieu a choisi Israël. On voit dans Genèse que l'Israël a été choisi. Jusqu'à aujourd'hui, on sait que cette petite bande de terre, à des milliers de kilomètres d'ici, est peut-être le point le plus chaud de la planète. Et autant d'agressivité, de frustration, que ce soit l'Iran, l'Irak, l'Égypte, tous les pays autour, beaucoup des tensions mondiales sont causées par la présence d'Israël. Ça te fait réfléchir. Pourquoi l'Israël cause autant de tensions mondiales? C'est pas parce qu'ils ont des belles oranges, c'est pas parce qu'ils ont la plus grande terre ou ils ont les... Non, c'est que c'est un peuple choisi. Et que le peuple choisi par un Dieu... puissant comme Yahweh, cause beaucoup de friction, beaucoup d'insécurité auprès des autres peuples. Alors, le livre de Genèse nous montre que le peuple a été choisi. Ensuite, il a été racheté dans l'Exode. On a parlé de ça quand on a fait notre Sédar. On a parlé du rachat, hein, de la libération du peuple juif. Ensuite, il a été sanctifié. Dans le livre de Lévitique, un livre extraordinaire à étudier, livre des Nombres, on voit que le peuple de Dieu a été guidé et a été instruit dans Deutéronome, a été instruit. Alors on voit que Dieu veut bénir cette nation-là, la nation hébreuse. C'est la loi, ça nous montre finalement la fondation de Christ. Pourquoi Christ? D'où vient Christ? On sait que Christ vient de la femme. Et on a déjà une référence dans Genèse au tout début, hein, que Christ serait là, qu'il écraserait la tête du serpent. Enfin, c'est une autre discussion, mais on voit déjà la présence de Christ dans le livre de la Genèse. Ensuite, il y a les 12 livres d'histoire. Et c'est là que nous, on va camper, dans le sens que la vie de Salomon, qui a écrit l'Ecclésiaste, elle est historique. C'est pas encore une fois écrit dans un vide absolu, ça vient d'une histoire particulière. Et Salomon était un roi particulier, et on va voir son histoire la semaine prochaine, on va parler de lui et de là où il a émergé au niveau historique. Mais on nous parle aussi, bon, dans le livre historique, on nous parle évidemment du premier roi qui était Saül. On nous parle des autres rois, David, Salomon dans 2 Samuel, dans 1er roi. On nous parle du règne de Salomon dans un roi. On nous parle ensuite de la déportation vers l'Assyrie en 721, très important, des cœurs. J'aurais aimé avoir un schéma historique, mais j'en ai pas trouvé bilingue, et puis en tout cas, c'était problématique. En 721 avant Jésus-Christ, le peuple israélien est amené en Assyrie, et ensuite à Babylone en 586, qui sont vraiment des points centrales de l'histoire de l'Ancien Testament, et ça tourne beaucoup autour de ça. Voilà. Dans les livres historiques, on voit que il y a une préparation. Christ nous prépare à comprendre son travail. Ensuite, c'est les livres poétiques. Évidemment, le livre d'Ecclésiaste se retrouve dans la poésie. Pourquoi la poésie? Parce que c'est pas un livre historique, c'est pas un livre informatif, c'est un livre de réflexion. Et c'est ça qui fait que c'est fabulesque, c'est extraordinaire, c'est que ça parle de la vie, hein. Quand on lit le livre d'Ecclésiaste, et d'ailleurs, je vous donne tout de suite le devoir. Durant les deux prochaines semaines, vous avez deux semaines, lisez le livre d'Ecclésiaste, c'est 12 chapitres, c'est court, je l'ai lu encore une fois cette semaine en un coup, en écoutant un petit peu de musique, en buvant un café, c'est merveilleux, c'est vraiment une lecture extraordinaire. Vous pouvez le lire d'un coup si vous avez le temps, ou sinon un petit peu, mais lisez-le avant qu'on entre là-dedans à pieds joints, découvrez la beauté de ce livre et le défi qu'il met dans notre vie. Donc, dans le livre de la poésie, évidemment, c'est psaumes. C'est la poésie la plus connue, c'est le livre de psaumes, proverbes, ecclésiastes. Ensuite, ça nous parle, évidemment, de notre relation avec Christ. C'est l'aspiration vers Christ. Et ensuite, c'est le livre de la prophétie. Très intéressant. Ça nous montre les sociétés comme aujourd'hui, des sociétés qui s'étaient éloignées de Dieu, comment Dieu veut les racheter, veut les informer, veut les aider à travers les prophètes. On a parlé du rôle du prophète qui vient parler au nom de Dieu pour ramener les gens à la connaissance de Christ. Bon. On a parlé un petit peu de l'histoire, hein, 721, 586, le premier roi, deuxième roi qui était David, ensuite Salomon. Bon. Tu as cette ligne-là ici. En même temps, tu as des nations qui se battent, qui sont en conflit contre Israël. Et ceci, c'est l'Égypte, c'est la Syrie, c'est l'Assyrie, c'est Babylone, c'est la Perse. C'est toutes et puis ça se voit dans nos cartes à la fin de la Bible. Tu vois la dynamique géographique autour de la terre d'Israël qui n'a pas changé. Les noms ont changé. Mais c'est tout aussi là. On sait que l'Irak, c'était Babylone. C'est toute cette dynamique-là de pression sur le peuple de Dieu. Hier, je lisais qu'ils ont décidé d'ouvrir bien les documents sur les massacres terribles par les Allemands des Juifs. Et ils veulent présenter ces millions d'archives au monde entier qui étaient finalement un peu cachées ou un peu retenues. Par le gouvernement allemand. Et c'est toute l'idée que même aujourd'hui, il y a des gens qui doutent de l'Holocauste, il y a des gens qui veulent minimiser la pression extraordinairement horrible qui a été mise sur le peuple israélien dans les années 40, mais qui est là depuis des milliers d'années, depuis 6000 ans, il y a une pression sur ce peuple. Et puis, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tu le vois, le combat, il est vivant. Qu'est-ce qui fait que l'Ancien Testament est extrêmement intéressant? C'est que c'est un narratif sacré. Tu lis ça, c'est comme un roman, mais c'est sacré. Donc, et c'est intéressant, et ça transforme, parce que ça te permet de comprendre Dieu. D'ailleurs, c'est quoi le but premier de l'Ancien Testament? C'est de révéler qui est Dieu. De révéler qui est Dieu à travers ce narratif-là. À travers ce narratif-là. On voit que Dieu, dans Job 42, 2, est omnipotent. Il est tout puissant, je vous le lis. Job 42, 2. On voit son omnipotence. Donc, évidemment, on voit ici les caractéristiques de Dieu au fil, beaucoup d'ailleurs dans les livres poétiques, on voit ça. Ici, on dit, Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout. » Et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissances? Oui, j'ai fait part, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Je sais que tu peux tout. Venez avec moi dans Psaume, d'ailleurs. Psaume 139. On voit la personne de Dieu, de Yahweh, du Dieu Tout-Puissant de l'Ancien Testament. Psaume 139, verset 7. 139, 7. Puis quand on comprend qui est Dieu, on comprend comment il agit dans nos vies. Ce n'est pas juste, encore une fois, des connaissances juste pour le cerveau, c'est des connaissances pour le cœur. 139, 7, on voit ici, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? » On nous dit qu'il est partout, hein, en même temps. « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi, ta main me conduira. Si je dis au moins, tes ténèbres me submergeront, la nuit deviendront lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi, la nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Il est un Dieu de lumière. On voit dans 147, chapitre 147, verset 5. 147, 5. On nous dit ici, au verset 3, disons, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, d'une force immense. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les humbles. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. » On voit son intelligence, sa bonté, sa tendresse auprès des humains. C'est ça le Dieu. C'est ça le Dieu qui est révélé dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est plus compliqué, c'est plus difficile à voir dans le Nouveau Testament. On le voit dans la personne de Christ, mais dans l'Ancien Testament, c'est clair. Et finalement, dans Malachie 3, 6, « Car c'est toi l'Éternel, et je n'ai pas changé. » Il parle de Dieu qui ne change pas. Un Dieu qui est immuable. Immuable. Un Dieu qui ne change pas. Un Dieu qui reste le même. Bon. L'Ancien Testament, c'est ça, c'est connaître Dieu. Connaître la personne de Yahweh. Connaître la personne de Yahweh. Mais l'Ancien Testament, il est arrivé comment? On peut se dire, moi, mais c'est un livre, c'est un amalgame de 39 différents livres, bon, qui sont intéressants. Tu viens d'en parler, de toutes sortes de livres historiques, de livres de la loi, mais ça, c'est venu comment? Bon, vous comprenez l'idée du canon. Et c'est là que toute cette pensée moderne, gnostique de la connaissance ultime que l'on voit dans ces films, qui font un ravage interplanétaire, non, au moins planétaire. D'ailleurs, tu lis les critiques du film, puis c'est bien, la presse dit tout ça pour ça. C'est une exagération complète de l'effet du Da Vinci Code, évidemment. Mais toute l'idée, c'est qu'il y a le gnosticisme. Certaines personnes ont la connaissance. Et donc, il y a certains livres, et ça c'est très à la mode maintenant avec l'évangile de Judas qui a été trouvé, et là ils essaient de débattre, est-ce que Judas n'était pas finalement il avait été utilisé par Christ, ça faisait partie du deal finalement de l'association pour que Christ se retrouve sur la croix, enfin. Le gnosticisme, la nouvelle connaissance. Moi, je préfère l'ancienne. Non, merci. Je préfère la connaissance qui est stable et qui s'est bâtie au fil des milliers d'années pour des raisons bien particulières. Et ça, c'est le canon. Le canon de l'Ancien Testament. Non, ce n'est pas un canon qui tire des boulets. Le mot canon vient de canon avec un K en grec qui veut dire un standard, une norme. Évidemment, l'évangile de Judas et toutes les connaissances qu'on voit dans le Da Vinci Code, ça fait pas partie du canon parce qu'il n'y a aucun standard. Le standard, c'est « Oh, je sens que ça a du sens. Ce serait donc intéressant. » Ce serait donc intéressant. Oui, ce n'est pas assez pour changer notre façon de voir le monde. Le canon, c'est le standard. Le standard avec lequel on a décidé que la Bible et l'Ancien et le Nouveau Testament allaient être choisis comme des livres de Dieu. C'est le canon, c'est le standard, c'est une sphère d'action et d'influence. Au niveau théologique, c'est comme une règle, le mot règle, canon, c'est la règle de foi, la règle de foi. C'est en 350, après Jésus-Christ, que Athanasius a utilisé ce mot-là pour la Bible, disant que c'est une boîte précise, c'est un canon précis dans lequel les livres sont acceptés ou refusés. Vous entendez parler de ça d'ailleurs par l'Église catholique, de la canonisation d'un individu. Bon, malheureusement, ça ne fait pas du tout partie de l'idée de ce mot-là. Le mot était vraiment réservé pour une pensée, une sphère d'action et d'influence intellectuelle. Et ici, ça nous parle de trois choses, le canon. C'est l'inspiration par Dieu, la reconnaissance par l'homme du travail de Dieu, puis la préservation par le peuple de Dieu. C'est ça le canon. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu te rends compte que, waouh, mais attends une minute, là, tout ça, c'est des centaines et des centaines de pages. Mais comment est-ce que je peux être sûr que c'est de Dieu, ça, que c'est utilisable, que c'est garanti, finalement? Bien, parce que le canon a préservé cela. Dieu a inspiré, des hommes ont choisi et des hommes ont préservé, des hommes et des humains. L'Ancien Testament a été canonisé autour de 400 avant Jésus-Christ. 400 avant Jésus-Christ. Bon. On a entendu parler, parce que c'est important, parce qu'on a parlé bon, des livres de Judas maintenant, là, on a entendu parler de l'apocryphe. Vous avez entendu parler de ça dans notre société catholique? Il y a l'apocryphe. Et, oh oui, mais attends, là, tu parles de l'Ancien Testament, mais il y a d'autres gens qui disent qu'il y a 13 ou 14 livres en plus. 13 ou 14 livres en plus, alors qu'est-ce qu'on fait, ou 14 ou 15 livres en plus, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça veut dire qu'on ne s'entend pas sur quels sont les livres de l'Ancien Testament. Bon, l'Apocryphe, c'est des livres qui ont été rajoutés en 1546 par l'Église catholique, qui ont dit, bon, mais ça, il y a certains livres qu'on va rajouter à l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament était clair, c'était très très clair, jusqu'à peu près en 1546, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de débat. Donc, on peut s'asseoir sur l'histoire, justement, au lieu de revenir et de se dire, oh, mais attends une minute, là, les... Non, 34 des 39 livres étaient là dès le début, ensuite, ils ont rajouté 5 autres livres, et l'apocryphe, c'est plus tard qu'il y a eu un conflit. Si c'est plus tard, à mon avis, c'est que c'est comme à rajouter après. Et non seulement à mon avis, mais à l'avis de bien des grands savants bibliques, c'est que tu vois que ces livres-là, l'apocryphe, rapidement, ils sont non-bibliques, ils sont extra-bibliques, sont sub-bibliques, souvent c'est même immoral, un peu étrange. C'est post-biblique, ça veut dire que c'est dans la période entre les deux testaments, ça tient pas. C'est intéressant, hein? Ça peut être pour la dévotion, ça peut être intéressant, mais ça ne fortifie pas. Bon, la Bible, elle vient d'où? Comment est-ce que je peux garantir que, là on parle de l'Ancien Testament, et réellement un livre qui n'a pas été complètement transformé. Ben oui, mais au fil des années, il y a eu des ajouts, des transformations, on voulait dire autre chose, vous avez tout bougé ça. Et on voit que c'est pas le cas. Tous les manuscrits qui ont été découverts sont vraiment similaires à ce que vous avez dans vos mains. Et il y a un nombre incroyable de manuscrits qu'on peut retrouver dans l'Ancien Testament. 615, en 1776, on avait une liste de 615 manuscrits dans l'Ancien Testament. Et maintenant, on nous dit qu'il y a des dizaines de milliers de manuscrits et de fragments de manuscrits de l'Ancien Testament qu'on peut retrouver dans des bibliothèques, dans des musées, et tu peux les voir, si tu lis l'hébreu, tu peux voir qu'entre ça et ta Bible aujourd'hui, il y a très peu de différences. Et s'il y a des différences, c'est des lettres. Il n'y a pas de concept, il n'y a pas de manque de mots. C'est extraordinaire. Au Caire, il y a un endroit où il y a 10 000 manuscrits ou segments de manuscrits bibliques qui viennent de l'Ancien Testament. La plus grande collection organisée de manuscrits de l'Ancien Testament, c'est à Leningrad. Incroyable, un peuple et une communauté aussi athée que la Russie. C'est là que il y a 1582 passages de la Bible, 725 sur papier. Au musée anglais, au British Museum, 161 fragments de l'Ancien Testament peuvent être lus sous des verres, comme ça c'est là direct. Même aux États-Unis, on nous dit qu'il y a à peu près 500 manuscrits de l'Ancien Testament. C'est extraordinaire. La preuve, elle est débordante. Et, d'ailleurs, les écrits de Jules César, les écrits de Platon, les écrits de d'autres auteurs qu'on étudie chaque jour à McGill, à l'Université de Montréal, il y a 5, 10, parfois, au mieux, il y a 10 fragments de manuscrits retrouvés de ces écrivains-là. Et on se posera jamais la question, ben non, mais ça, c'est pas la vérité. On voit bien, il y a un manque de manuscrits qui font dire que Jules César, c'est un menteur. C'est seulement la Bible qui est attaquée de cette façon-là. Et pourtant, la masse de défense au niveau manuscrit est infinie à comparer à tout ce qui est séculier, tout ce qu'on peut retrouver pour ces auteurs-là qu'on étudie. Vous avez entendu, évidemment, des manuscrits de la Mer Morte. Ça, c'est récent. En 1947, on a retrouvé dans 11 caves en Israël un nombre extraordinaire, des milliers de fragments de l'Ancien Testament. D'ailleurs, tous les livres de l'Ancien Testament se retrouvent dans des manuscrits qui datent d'avant Jésus-Christ. Donc, c'est extrêmement vieux, des manuscrits, et chaque livre, excepté le livre d'Esther, se retrouve dans ces manuscrits-là, qui prouvent encore, et quand tu lis ces manuscrits-là, c'est extrêmement précis par rapport à la Bible qu'on utilise aujourd'hui. Tu vois la main, c'est la providence de Dieu qui a protégé, et c'est bien mignon, c'est un jeune arabe qui a découvert ces caves-là, qui est en train de travailler, il cherchait une brebis dans un désert près de Qumran, et il s'est retrouvé dans une cave, dans une grotte, et c'est lui qui a découvert ces espèces de pots-là dans lesquels il y avait tous les manuscrits. Et pendant 10 ans, après, entre 1949 et 1956, ils sont allés creuser et ont trouvé des manuscrits. Et encore une fois, ça confirme, la Bible est confirmée encore et encore et encore. Chaque excavation, chaque recherche prouve la précision et historique et biblique de ce que vous lisez devant vous. D'ailleurs, il y a bien des religions qui ont des histoires. On pense évidemment aux Mormons qui ont toute une histoire incroyable ici en Amérique du Nord. Puis on fait des fouilles, des fouilles, des fouilles. Il n'y a rien, ils arrivent à trouver rien qui supporte leur théologie, leur pensée. Et pourtant, ils continuent à construire des églises partout. Des grosses églises. Il y en a une en ce moment à Notre-Dame-de-Grâce, pas loin où j'habite, qui est en train de se construire une immense église mormon. Et tu te dis, waouh, ça tient sur quoi? Ça tient sur rien. Ça tient sur l'émotionnalisme, sur le sentiment qu'on est des bonnes personnes, qu'on est unis. Mais la réalité, c'est que c'est pas assis. On veut une foi assise. Et comme on va dans le livre d'Ecclésiaste, on va se poser des questions sur la vie et la mort, la raison pour laquelle on est sur Terre, il ne faut pas que ça sorte de rien et que ça se dise, mais il faut que ça soit assis sur l'histoire. La Bible, l'Ancien Testament, fait exactement ça. Pour terminer, je veux confirmer et réaffirmer ce que j'ai dit au tout début, c'est que la Bible, l'Ancien Testament, elle est christocentrique, elle parle de Christ. C'est important, ou sinon on se retrouve avec comme deux fois. La foi de l'Ancien Testament, qui est la foi de la loi, et la foi moderne du Nouveau Testament, enfin moderne, relativement moderne, la foi de Christ. Et puis là, ça fait une grosse faille. L'idée de Calvary Chapel, c'est justement, on a dit des vérités en tension, on a parlé de chercher ces vérités-là pour équilibrer ça, mais aussi l'Ancien et le Nouveau Testament sont en tension les uns avec les autres aussi, l'un avec l'autre. Ça cause ça produit une foi bien équilibrée, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ça nous fortifie historiquement et théologiquement. C'est essentiel. Venez avec moi, on va regarder quelques versets. On en a vu un, mais Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. Alors, rappelez-vous toujours que l'idée de la Bible dans le Nouveau Testament, ça réfère à l'Ancien Testament, puisqu'il n'y avait pas d'autre Bible. Alors, Jésus nous dit, dans Matthieu 5, 17, un verset qu'on connaît bien, mais quand on le regarde dans ce concept-là, dans ce contexte-là, ça a bien du sens. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. » Ça parle de cette dualité de l'Ancien Testament où, à l'origine, vous vous souvenez, c'était la loi et les prophètes. « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Qui accomplit? C'est lui. C'est pas la Bible qui accomplit. C'est pas le Nouveau Testament qui accomplit. C'est pas Paul qui accomplit. C'est Christ qui accomplit l'Ancien Testament. Luc 24, venez avec moi. Puis on l'a regardé tout à l'heure. 44, mais on n'a pas regardé Luc 24, 27. Luc 24, 27. Regardez, voilà. Donc, il y a des gens qui se posent des questions, hein, ils sont en route, et là, il arrive. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous ». Donc, c'est sur ce chemin-là où il y a Christ qui est en présence de Jean et il explique, il leur donne un sermon sur l'Ancien Testament et le sermon est justement non pas juste Moïse et Josué et David et Salomon, mais moi, la personne de Christ, elle est partout dans l'Ancien Testament, selon les dires de Jésus, c'est quand même important. Et ça change à ce moment-là ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Dans Jean 5, 39. Et ça, donc, c'est 5 versets qui prouvent que Jésus considère que l'Ancien Testament est centré autour de lui. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est important. Parce que la même chose, on peut se dire, oui, mais la Bible, c'est, ça parle de la vie éternelle, ça parle de Dieu, ça parle de Christ. Et c'est ce qu'il dit, ça parle de moi. Venez me voir dans la Bible. Venez me voir dans l'Ancien Testament. Et finalement, Hébreux 10. Hébreux, lettre qui se trouve vers la fin du Nouveau Testament. Hébreux 10, verset 7. Bon, on peut regarder verset 5. C'est pourquoi, alors Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire au Dieu ta volonté, à mon sujet. Les rouleaux, évidemment, c'est l'image de l'Ancien Testament qui était sur papyrus, sur rouleau. Et puis ici, c'est Christ, c'est mon sujet. On parle de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Christ est vu sous forme d'ombre, Mais il est là, c'est une ombre, mais il est là. Dans le Nouveau Testament, évidemment, c'est en substance. Là, on voit la personne, on voit qu'il est bébé, on voit qu'il grandit, on voit qu'il enseigne, on voit qu'il marche, on voit qu'il pleure, on voit qu'il dort, on voit qu'il mange. Mais dans l'Ancien Testament, c'est une ombre. Dans l'Ancien Testament, on le voit en images, c'est des images. Dans le Nouveau, en personne. Dans l'Ancien, c'est en type. Dans le Nouveau Testament, en vérité. Dans l'Ancien Testament, on le voit en rituel. Dans le Nouveau Testament, en réalité. Dans l'Ancien Testament, on le voit de forme latente. C'est comme s'il se prépare, il arrive. Dans le Nouveau Testament, de forme manifeste. Dans l'Ancien Testament, il est prophétisé. Et dans le Nouveau Testament, ces prophéties-là se passent. Ces prophéties-là arrivent. Ça confirme que l'Ancien Testament est valide aussi, parce que tout ce qu'il annonce sur Christ dans Ésaïe et dans bien des endroits dans Psaume, tout ça se passe dans la vie de Jésus. Dans l'Ancien Testament, on le voit révélé de façon implicite, et le Nouveau Testament, on le voit de façon explicite. C'est clair, c'est précis. Mais c'est les deux qui forment un tout. Suivez-moi ici. Dans la loi, dans les 5 premiers livres, c'est la fondation de Christ. On en a parlé tout à l'heure, la fondation de Christ. Dans l'histoire, c'est la préparation pour Christ. Dans la poésie, c'est l'aspiration pour Christ. Dans la prophétie, les livres, les 17 livres de la prophétie, c'est l'attente de Christ. Reviens parce que les gens sont en train de faire des gaffes incroyables. Et nous sommes d'ailleurs dans l'attente encore aujourd'hui, parce que regardez, ça continue, le cycle recommence. Dans les évangiles, c'est la manifestation de Christ. Dans les actes, la propagation de Christ. Dans les épîtres, les écrits de Paul, c'est l'interprétation de Christ. Et finalement, la révélation, c'est la consommation de Christ. La consommation, la consommation, l'application de Christ. Christ est partout. C'est merveilleux. Et d'ailleurs, on dit même que dans chaque livre, il est présent. Bon, des fois, il faut je le force un peu, mais en général, il est là dans tous les livres et il est même presque mentionné précisément dans chaque livre. Ou sinon, des fois, c'est des, comme je vous dis, c'est des ombres, c'est des impressions, mais il est toujours là. Alors, pourquoi étudier l'Ancien Testament? Encore une fois, je confirme que de grandes églises, de grands prêcheurs s'arrêtent seulement au Nouveau Testament parce qu'ils disent on vit sous la Nouvelle Alliance. On vit sous la Nouvelle Alliance. Pourquoi étudier l'Ancien Testament? Parce que la Bible est incomplète sans l'Ancien Testament. Puis nous, on se dit des gens bibliques, on ne se dit pas des gens du Nouveau Testament. On se dit des gens bibliques. La Bible est incomplète. Ensuite, la Bible sans l'Ancien Testament, Christ serait une énigme. Il serait une espèce de personne qui émerge de rien, de nulle part. D'ailleurs, bien des faux prophètes, c'est ça. Un jour, ils sont vendeurs de souliers, le lendemain, ils sont prophètes. Puis là, il y a une religion qui tourne autour d'eux. Puis là, tu te dis, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de nulle part. Ça vient d'un rêve suite à une pizza, un burrito. À ce moment-là, c'était peut-être d'autres nourritures étranges, un morceau de steak trop cuit. Tu sais pas d'où ça vient. Alors que Christ, tu le vois, c'est une émanation lente et claire de la personne de Jésus qui nous amène, évidemment, au Nouveau Testament. Ensuite, c'est bien important de comprendre l'atmosphère historique. Quand on dit que c'était comme une femme qui allait donner naissance, dans Galates 4, 4, on nous parle que c'était la plénitude du temps est arrivée. C'est le temps que le bébé sort, c'est le temps que Dieu arrive. Pourquoi c'est le temps? Parce que regardez l'Ancien Testament. C'est là que tu vois qu'il y avait un essoufflement, le peuple était cœuré de suivre des faux, des rois qui suivaient des faux dieux. Le peuple était déchiré et Christ arrive au bon moment pour sauver le peuple de Dieu. Ensuite, si on n'avait pas l'Ancien Testament, il y a bien des révélations de Dieu qu'on ne comprendrait pas. Bon oui, mais à travers Christ, on comprend tout. Non, pas tout à fait. Parce que tout le plan du salut, oui, Christ est venu nous donner le salut, mais le plan du salut, il part de quelque part, il part d'un besoin. Le besoin, c'est que nous sommes pécheurs. Christ en parle abondamment dans le livre de Romains et ailleurs, mais à travers Paul. Mais c'est évidemment dans la Genèse qu'on voit que nous avons chuté à travers Adam et Ève. Donc, c'est quoi? C'est Dieu est un créateur souverain. On voit ça dans la Genèse. Ensuite, on voit que l'homme est un pécheur en besoin de salut, que Dieu est saint. Dieu ne peut pas accepter le péché, donc il veut juger le péché, que Dieu est amour. C'est bien avant Christ, Dieu est amour depuis le tout début de sa création, et il offre le salut à l'homme pécheur. On nous parle évidemment dans l'Ancien Testament que l'arrivée de Christ est imminente, ça, il arrive. Ensuite que l'homme, dans l'Ancien Testament, on voit ça, est sauvé par la foi, non pas par les œuvres, par la foi. On nous parle d'Abraham qui était sauvé par sa foi, et finalement que l'Israël, aujourd'hui aussi, a été choisi comme pays, comme agent rédempteur pour notre monde. Agent rédempteur, Christ est passé par l'Israël. Et aussi, et simplement, c'est la nourriture pour le chrétien. Venez avec moi dans 2 Timothée 3.16, je vous le lis. 2 Timothée 3.16, on voit que c'est une nourriture, on a besoin. L'Ancien Testament, on a besoin, comme le Nouveau Testament. 2 Timothée 3.16 nous dit ceci, et vous connaissez le verset. Toute écriture, oui, mais attends là, ça c'est les écritures du Nouveau Testament, mais non. C'est écrit par Timothée. Timothée, ses écritures à lui, c'était l'Ancien Testament. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. C'est clair? L'Ancien Testament est inspiré de Dieu et utile pour enseigner. C'est ce qu'on va faire pendant des semaines. Pour convaincre, j'espère que ça va se faire. Pour redresser, avec douceur. Pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Jésus-Christ est la parole. On nous dit dans Jean que c'est lui, il est le Logos, c'est la parole. Jésus-Christ est la parole. Quand les Écritures parlent, c'est Dieu qui nous parle. Dans Hébreux 1.1, je vous le lis, Hébreux 1.1 nous montre le développement de la révélation de Dieu. Mais c'est un développement, un ne va pas sans l'autre. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait le monde. Il a parlé par les Écritures, par l'Ancien Testament, et maintenant il parle par Christ. Mais les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et je termine avec Hébreux 4:12. Hébreux 4:12 qui dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante et elle est efficace. Quelle parole de Dieu? Le Nouveau Testament? Mais non, c'est encore l'Ancien Testament. Mais c'est sûr que le Nouveau Testament, et de toute évidence, fait partie de ça aussi. Mais car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle, elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. C'est pour ça qu'on étudie l'Ancien Testament. Parce que les paroles de l'Ecclésiaste, de Salomon, vont trancher à même votre moelle. Ces paroles vont aller dans votre os, décortiquer et aller chercher l'ADN de votre existence. Seule la Bible peut faire ça, et l'Ancien Testament est la Bible de Jésus. Si c'était la Bible de Jésus, c'est ma Bible aussi. Alors c'est pour ça qu'on va creuser. Et vous allez voir à quel point ça va vous développer, vous enrichir dans votre compréhension de Christ et de votre marche au quotidien, de vos relations les uns avec les autres, de vos mariages, de vos amours, de votre travail, de la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Ça se trouve, pour commencer, dans l'Ancien Testament. On va retourner à la base, à la source. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que tu es partout Christ, représenté dans chacun des 66 livres de la Bible. Et lorsqu'on prend le temps d'étudier, on va apprendre à te connaître, on va apprendre à t'entendre, on va s'approcher de toi, Jésus. Père, parle-nous. Et que toutes ces informations qu'on a eues aujourd'hui sur l'Ancien Testament, ne fait que nous fortifier dans la compréhension et dans le raisonnement pour lequel nous devons et nous allons l'étudier, Seigneur. Et nous désirons justement avoir cette vérité en tension entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Mais Christ est toujours celui qui équilibre le tout. Tout est par amour, tout est par grâce, car Christ est le Fils et le Dieu de grâce. Alors Jésus, nous te donnons ce temps et cette étude que nous commençons. Puisses-tu être béni par celle-ci. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, mais évidemment, ma prière, c'est que on commence cette étude-là, que vous connaissez vous-même Christ, que Christ a un sens profond dans votre vie. Ou sinon, si vous ne connaissez pas le cœur de l'Ancien Testament, qui est Christ, encore une fois, on passe à côté. Tous ces livres-là tournent autour de Christ. Vous devez vous-même tourner autour de Christ. Apprenez à le connaître. Si vous voulez savoir comment le faire davantage, venez me voir après le service. Que Dieu vous bénisse.